Sensibilisé par le son du djembé, prendre enfin conscience de tous les drames que cet instrument a traversé, alors peut-on encore se permettre de merder? Sensibilisé par le son du djembé, prendre enfin conscience de tous les drames que cet instrument a traversé, alors peut-on encore se permettre de merder? Le frère du tiers-monde s'accroche à la vie. Il sait ses futurs rappeurs dans ses manches pour lui. T'es mal placé pour dire que le rap est une industrie. Laisse ses propos là, au gars qui laisse en sub gratuit sur un P3. Ça me saoule, le combat pour le rap et son intégrité. D'une part, ce que cette zik n'est pas inventé. Et puis j'estime qu'il y a des vies plus importantes à mener. Te rappelle de Moumia et Maïs et Constipé. Mais que bruit-on espéré d'une jeunesse qui a pour idole Snoop Doggy Dogg. Dans sa nation, le gangsta rap est mis en avant par les institutions. Propagande masquée de l'autodestruction. Visant à éliminer les basses couches de la population. Voilà pourquoi ils étouffent les propos MC, tel que KRS-One, Chuck D. Ici en France, les rap est aussi récupéré par le parti politique nazi. Musique a de l'influence sur la jeunesse d'aujourd'hui. Outils non négligeables pour promouvoir leurs idéologies. Alors pendant que tu dormais, dans tes clips et tes couplets, l'ennemi, lui, n'a jamais cessé de s'organiser. Beaucoup dans la complaisance, génocide des consciences. Où est cet artiste qui sera transporté? Les lettres de noblesse attendent d'être rédigées. Trop d'abrutis sort de masse, mais leur barbarie dans la place. À défaut d'une prise de notes en cours, la poésie sociale a vu le jour. C'est un sacrifice qui me permet de se rassasier. Mais Dieu ne pouvait quitter la main passionnée. Sensibilité combat, c'est sans abandonner. Lors d'une base, c'est plus cadencée. C'est une belle amitié, celle d'une plume isolée, des êtres humains qu'elle a su rassembler. Nés dans la douleur, les mots atteignent parfois le cœur, et des larmes ont été versées. C'est immense de l'avoir touché, alors qu'importe un auditoire qui se compte en milliers. Il en va de soi que cela ne fasse pas l'unanimité, car on est près d'un monde où règne la solidarité. Où est cet artiste qui sera transporté? Les lettres de Nobel s'attendent d'être rédigées. Le trou ou la poudre sort de masse, mais faire valeur varier dans la place, sort beaucoup dans la complaisance. J'ai le cité conscient. Ici, pas de clash à sens unique, comme vous l'avez tant voulu, vos propos étant entendus. Maintenant, mon avis, je vais le partager. Peut commencer, on peut pas inciter nos petits repris à les sacrifier un pouling. C'est 20 ans d'envie qui va leur être arraché. On veut simplement les écarter de ces gens-là qui peuvent aisément t'éliminer. Et trop si tu es innocenté, tu veux toujours une tasse paix. Alors partout dans le monde, nos sœurs sont sans arrêt souillées. Tu vois ceci sans cesse, la femme au sexe, les tueurs patentés d'une certaine manière. Tu contribues à les légitimer. Fait divers et récurrent d'entendre violer, assassiner. Et toi, qu'est-ce que ça peut te foutre que de péter sans brasse en plein Paris? J'ai entendu des MC similaires à Hitler dans leurs propos. Ils ont dit vouloir brûler les homos. Le racisme, tu as toujours combattu. Mais la vois-tu, c'est toi qui le perpétue. Mettre systématiquement ces différences pigmentaires en avant. S'approprier une communauté, un public conquis d'avance. Pas besoin de braquer pour faire péter son compte à l'étranger. Le vrai hold-up, c'est faire des disques hachés et vendre par milliers. Sur l'instrumental, viens pas nous parler de ta réussite sociale. Je côtoie des traits des liens au quotidien. On laisse les gens mourir sur le trottoir, ça fait bizarre. Rien de pire qu'un rappeur en bourgeoisie. Je vais te laisser avec tes stars, tu pourras. Je dois acheter des baguettes pour la maman. Je dois acheter des baguettes pour la maman. Trop d'abus sortent de masse, mettent leur valeur pari dans la place. Alors beaucoup dans la complaisance, génocide des consciences. Où est cet artiste qui sera transporté? Les lettres de noblesse attendent d'être rédigées. Cherchez pas, n'allez pas coups dans vos médias. Les vrais artistes sont dans le métro.